Chapitre 16. Le dixième coup. Elle était pourtant la bravoure même, cette pauvre Catiche, mais elle en savait plus long que moi sur bien des choses. La collation fut acceptée. Bien entendu, je ne demandais pas l'avis préalable de ces dames. Je fis venir tout simplement un magnifique ambigu, et puis j'implorai mon pardon si franchement, avec tant de bonne humeur, que les plus farouches incognites acceptèrent leur part de cette hospitalité. Je m'étais mise à la merci de la cucciniera, de ce bon chevalier Zeno, qui eut le fin fond de ma poche, per la sua piccola raccolta. Mais bien entendu, la masse ne fut pas touchée, la masse de guerre. Ce fut très brillant, on rit beaucoup. La cour s'encanailla avec un entrain délicieux, dans l'aimable abandon de cette fête imprévue, qui dura tout au plus un quart d'heure. Il se passa un fait que je ne prendrais certes point la peine de noter sans les terribles conséquences qu'il eut presque immédiatement après pour moi. Quand je parle de la cour, ce n'est point une vanterie. Monsieur le duc de Chartres prit de mes gâteaux et but de mon champagne. Il était là avec le chevalier de Coigny, le comte de Noailles, le baron de Bézinval, Stainville et Vaudreuil, ses noctambules ordinaires, et chacun d'eux menait sa dame en loup. Celle qui tenait le bras de monsieur de Vaudreuil voulut absolument trinquer avec moi. Catiche me dit tout bas, « Prenez garde, c'est la maîtresse de Bertrand. Vous vous souvenez qu'elle appelait toujours ainsi l'apôtre Saint-Pierre. « Oh, si vous saviez, ajouta-t-elle, comme j'ai peur pour vous, j'ai des pressentiments sinistres. Prenez garde, je vous en supplie, prenez garde. » Vaudreuil vint à moi et me dit, « Chevalier, vous gagnez à tous les jeux. Madame la comtesse voudrait vous embrasser, pensant que vous lui donneriez un peu de votre bonne chance. » Madame la comtesse, au même instant, lui quitta le bras et se jeta sans façon à mon cou. La procession de la banque rentrait. Il y eut une formidable poussée. Nous fûmes ballottés, madame la comtesse et moi, au milieu de la quadrilla de monsieur de Chartres, qui riait de tout son cœur. Puis un reflux de la foule nous sépara. Jamais je n'avais vu pareil cohue. Il me fut impossible d'apercevoir le visage de cette comtesse, tant elle et la foule m'avaient serré de près. Mais tout le monde savait que les compagnons de monsieur de Chartres ne choisissaient pas le dessus du panier. 30 cheveux revenaient à la tête de son église, majestueuse et bouchonnant toujours la sueur de ses tempes. Aussitôt que les divers fonctionnaires sous ses ordres eurent repris leur place, il donna 3 petits coups de râteau sur le tapis et dit, comme si de rien n'eût été, « Faites votre jeu, messieurs !» Cela signifiait que le Haut Conseil de Venise, que ce fussent les 3 ou les 10, tenait mon paroli de 307 200 livres. Comment la chose s'était ébruitée, je ne saurais le dire, mais il est certain que, depuis la collation, tout le monde connaissait l'histoire de cette singulière partie. Les gazettes vivantes en détaillaient savamment le pourquoi. On allait répétant dans tous les coins de la salle, « Ce n'est pas 100 000 écus qu'amour va rafler, c'est une femme charmante, avec une dot de princesse. » Des prés, des moulins, des guérets, des futaies, des fermes, des châteaux. Amour va être plus riche que le marquis de Carabas. 30 cheveux prononça solennellement. Le jeu est fait, rien ne va plus. Et la manivelle tourna. Au brouhaha qui tout à l'heure remplissait la salle, succéda un silence de sépulcre. On n'entendait plus que le bruit des respirations contenues et le râle sec de la manivelle. Le tour me semblait long outre mesure. La boule et la roue tournaient, mêlant leurs petites voix de crécelle. Pour moi, jamais coup n'avait enduré. Était-ce donc que ma forfanterie tombait? Le chevalier Zeno employait la roulette de Florence, qui porte un trou de demi-arrêt en avant de chaque zéro, les zéros étant le bénéfice de la banque, ces cases de demi-arrêt, considérées comme refait ou rien de fait, diminue en apparence le désavantage des pontes. Je dis en apparence, parce que ces trous, annoncées comme étant de demi-profondeur, ne retiennent presque jamais la bille. Aussi se fit-il une émotion nouvelle dans la salle quand Trente Cheveux prononça le mot qui désigne le refait dans la langue des banques. « Après ? Après ! » s'écria-t-on de toutes parts. « Faut-il que cet amour ait la veine chevillée ? Pour une fois que la muscade veut tomber dans le bissac de la banque, la voilà qui s'arrête sur la pointe d'une aiguille. » Ma masse était sur la noire. « À la rouge, chevalier !» dit la voix de M. de Richelieu, que je ne voyais plus, car la tribune était fermée. Je me sentais devenir pâle. J'avais pris peur tout à coup devant cette hésitation du hasard. Machinalement et par un restant de bravade, mon râteau voulut obéir au défi du vieux maréchal, mais le râteau de Trente Cheveux se posa au devant de ma masse. C'était le droit de la banque, on ne vire pas après un refait. La manivelle grinça vigoureusement. « 21, rouge, impair et passe !» proclama Trente Cheveux d'une voix défaillante. Et en effet, il tomba, privé de sentiments, dans les bras de Venise victorieuse. Un petit cri douloureux s'était fait entendre derrière les grillages fermés de la tribune. Il fut couvert par la turbulente clameur jaillissant de 500 poitrines qui auraient applaudi à mon triomphe et qui célébraient ma défaite. Le charme est rompu, amour ne vaut plus rien, la bague de chanvre n'est qu'un brin de filasse. Vis-à-vis de moi, par-dessus le groupe des gens de la banque qui chantaient le Te Deum, j'aperçus la grave figure de Monsieur de Sartine. Il me regardait. Ses traits exprimaient son étonnement. La voix moqueuse de Monsieur de Richelieu passa à travers les rotins croisés qui masquaient la tribune et dit « Chevalier, je vous avais conseillé la rouge !» L'or sonnait sous le râteau qui le ramenait à Venise. Le tapis resta net comme un pré qu'on vient de faucher. J'étais changé en statue.